L'Association des économistes coréens en Chine et le chef adjoint du département de propagande de l'Association des jeunes coréens en Chine ont publié respectivement le 1er avril une déclaration et une communication pour appeler les Sud-Coréens à la lutte de masse pour liquider la politique conservatrice avec le même esprit d'avoir condamné Park Geun-hye et créer une nouvelle société où le peuple est le maître.